marche auprès d'une fille. Ses gestes sont mécaniques. Le chemin est sans fin. Son visage se déforme et se met à saigner. Ses membres se disloquent. Elle n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Son visage se déforme et se met à saigner. Ses membres se disloquent. Elle n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Je marche auprès d'un homme. Sa face est mécanique. Sa fin n'est plus très loin. Sa bouche se déchire et se met à trembler. Ses membres se disloquent. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Sa bouche se déchire et se met à trembler. Ses membres se disloquent. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Je marche seule, toute seule. Mes gestes sont robotiques. Ma fin n'est plus très loin. Mon visage se transforme et se met à brûler. Mes membres s'entrechoquent. Je crois que je vais tomber. Je crois que je vais tomber. Je n'ai pas existé. Je n'ai pas existé. Mon visage se transforme et se met à brûler. Mes membres s'entrechoquent. Je crois que je vais tomber. Je crois que je vais tomber. Je crois que je vais tomber. Je n'ai pas existé. Je n'ai pas existé. Je n'ai pas existé.